Plus tard. L'année d'après. J'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant. Et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire. À tricher. À ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit, ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur. Prenant ce risque, et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces, et faire le voyage pour annoncer, lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître. Peut-être ce que j'ai toujours voulu. Voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Et paraître, pouvoir. Là encore décidé, me donner et donner aux autres, et à eux tout précisément. Toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard, et tant pis. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même. Et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer. Laisse-le avancer. Elle est contente. On dira un épagneul. Ne me dis pas ça. Ce que je viens d'entendre, c'est vrai, j'oubliais. Ne me dites pas ça. Ils ne se connaissent pas. Louis, tu ne connais pas Catherine, tu ne dis pas ça. Vous ne vous connaissez pas. Jamais rencontré, jamais. Comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très content. Oui, moi aussi. Bien sûr, moi aussi. Catherine, tu lui serres la main. Louis, Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Tu lui serres la main. Il lui serre la main. Tu ne vas tout de même pas lui serrer la main. Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Il ne change pas. Je le voyais tout à fait ainsi. Tu ne changes pas. Il ne change pas. Comme ça que je l'imagine. Il ne change pas. Louis. Et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras. Vous, vous trouverez son problème, elle est la même, vous allez vous trouver. Ne lui serre pas la main, embrasse-la, Catherine. Suzanne, il se voit pour la première fois. Je vous embrasse. Elle a raison. Pardon. Je suis très heureux. Vous permettez? Tu vois ce que je disais, faut leur dire. En même temps, qu'est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête, dans la tête, je le savais, mais je suis ainsi jamais. Je n'aurais pu imaginer qu'il ne se connaît, que vous ne vous connaissiez pas, Que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils, ça, je ne l'aurais pas imaginé. Mais cru pensable, vous vivez d'une drôle de manière. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. Elle sait ça parfaitement. Oui, ne m'expliquez pas, c'est bête. Je ne sais pas pourquoi je demandais cela. Je sais aussi bien, mais j'oubliais, j'avais oublié. Toutes ces autres années. Je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir, ce serait logique. Je t'attendais, et le bruit de la voiture, du taxi. Immédiatement, j'ai su que tu arrivais, je suis allée voir, c'était un taxi. T'es venu en taxi, tu la gardes. Je l'avais dit. C'est pas bien. J'aurais pu aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones et je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça. Je leur ai dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. Tu as fait un bon voyage? Je ne t'ai pas demandé. Je vais bien. Je n'ai pas de voiture, non. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Faut rien exagérer, ce n'est pas un grand voyage. Tu vois, Catherine, ce que je disais, c'est Louis, il n'embrasse jamais personne, toujours été comme ça. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Suzanne, fous-nous la paix. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne t'ai rien dit, je ne lui dis rien, celui-là. Je te parle. Maman. Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez. Et les lui retirer à la dernière seconde, elle n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir. Cela, on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi, Antoine également. Nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas compte. Je ne suis pas la mieux placée. Tout le monde dit ça, on dit. Et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques. Juste un peu, comment dire, pour amuser, non? Je ne sais pas. On dit, et je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait. En fille. La même personne. On dit toujours des choses comme ça. De tous les enfants, on le dit, je sais pas. Mais pourquoi non? Le même caractère, le même sale mauvais caractère. Ils sont les deux mêmes, pareils et obstinés. Comme il est là aujourd'hui, elle sera plus tard. Vous nous aviez envoyé un mot? Vous m'avez envoyé un mot? Un petit mot? Et des fleurs. Je me souviens. C'était... ce fut... c'était une attention très gentille et j'en étais touchée. Mais évidemment, vous ne l'avez jamais vue. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais tant pis, non. Ce n'est pas aujourd'hui que ça changera. Et je lui raconterai. Nous vous avons envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue. C'est un bébé. C'est idiotie. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine. Pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Et je ne sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente. Une fille. Et vous ne pourriez la reconnaître, elle a grandi. Mais elle a des cheveux. Oh, c'est dommage. Laisse ça, tu l'ennuies. Mais pas du tout, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me dis pas ça. Je vous ennuie. J'ennuie tout le monde avec ça, les enfants. On croit être intéressante. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est méchant. Non, pas méchant. C'est déplaisant. Ça ne m'ennuie pas du tout, tout ça, mes filleules. Mes neveux, ce ne sont pas mes filleules. Mes neveux. Nièce, ma nièce, ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, il s'appelle comme moi. Louis. Oui. Je vous demande pardon. Ça me fait plaisir. Je suis touché, j'ai été touché. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon a... il a maintenant 6 ans. 6 ans! Je ne sais pas, quoi d'autre? Ils ont 2 années de différence. 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai rien dit, ne me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit, qui devrait. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Je n'ai rien dit. Il t'écoute. Ça t'intéresse? Il t'écoute, il vient de le dire. Cela l'intéresse, nos enfants. Tes enfants, mes enfants. Cela lui plaît. Cela te plaît? Il est passionné. C'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris, rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça, ce devait être sans y penser. Oui? Non, je ne pensais pas à ça. C'est pénible, c'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excuse-moi. Excusez-moi. Je ne t'en veux pas, mais tu m'as mis mal à l'aise. Et là, maintenant, je suis mal à l'aise. Ça va être de ma faute? Une si bonne journée. Elle parlait de Louis, Catherine. Tu parlais de Louis le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui, pardon. Ce que je disais, il s'appelle comme vous. Mais à vrai dire... Je m'excuse, ça va là, je m'excuse, je n'ai rien dit. On dit que je n'ai rien dit, mais tu ne me regardes pas comme ça. Tu ne continues pas à me regarder ainsi. Non, franchement, franchement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu. Je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout, c'est plutôt là, l'origine. Je raconte. Il porte avant tout le prénom de votre père, et fatalement par déduction... Les rois de France. Écoute, Antoine, écoute-moi, je ne dis rien, ça m'est égal. Tu racontes à ma place. Je n'ai rien dit, je plaisantais. On ne peut pas plaisanter. Un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter... Il plaisante. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Explique. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru. Je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée auquel... À laquelle? Une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi. Je ne me rends pas compte. Je n'ai qu'un frère, fatalement. Je n'ai pas l'aîné, alors? Le prénom des parents ou du père de l'enfant mâle, le premier garçon, toutes ces histoires. Et puis, puisque vous n'aviez pas d'enfant, parce qu'il aurait été logique, nous le savons, ce que je voulais dire, puisque vous n'avez pas d'enfant. Et Antoine dit ça, tu as dit ça, Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela, puisque vous n'aurez pas de fils, il était logique, ce n'est pas un joli mot. Pour une chose à l'ordinaire, heureuse et solennelle, le baptême des enfants, bon, il était logique, on me comprend. Cela pourrait paraître juste des traditions de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique. Nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis comme votre père. Donc comme vous. De fait, je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné. Aucun doute là-dessus. Dommage vraiment que tu ne puisses le voir. Et si, à ton tour... Et pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit l'héritier mâle? Je n'avais pas envoyé de mots... Mais merde! C'est pas de ça qu'elle parlait. Antoine? Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention, je ne prenais pas garde. Et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite, jeune, ce qu'on dit. J'étais petite. Ça n'est pas bien que tu sois partie, partie si longtemps. Ça n'est pas bien, et ça n'est pas bien pour moi, et ça n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Et ça n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe, mais aussi ce ne doit pas, ça n'a pas dû. Ce ne doit pas être bien pour toi non plus, pour toi aussi. Tu as dû parfois, même si tu ne l'avoues pas jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'aveu, tu as dû parfois, toi aussi, ce que je dis, toi aussi. Tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou plus habilement, je pense que tu es un homme habile. Un homme qu'on pourrait qualifier d'habile, un homme plein d'une certaine habileté. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois, tu nous envoyais des lettres. Parfois, tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres, qu'est-ce que c'est? De petits mots, juste des petits mots. Une ou deux phrases, rien. Comment est-ce qu'on dit? Elliptique. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais lorsque tu es parti. Ce que j'ai pensé lorsque tu es parti. Lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, là que ça commence. Je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire. Ou que de toute façon, et nous éprouvons les uns et les autres ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir. Une certaine forme d'admiration. C'est le terme exact. Une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça. Ou que de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire, te servir de ça pour te sortir d'un mauvais pas ou avancer plus encore. Mais jamais nous concernant, jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. On dit comme ça. C'est une sorte de don, je crois, tu ris. Jamais, nous concernant, tu ne te sers de cette qualité. C'est le mot. Et un drôle de mot, puisqu'il s'agit de toi. Jamais, tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes avec nous, pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu ne nous en juges pas dignes. C'est pour les autres. Ces petits mots, les phrases elliptiques, ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Nous en avons aujourd'hui une collection enviable. Comme si tu voulais de cette manière toujours paraître être en vacances. Je ne sais pas, je croyais cela. Ou encore comme si par avance tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et même pour un jour comme celui d'aujourd'hui. Même pour annoncer une nouvelle de cette importance. Et tu ne peux pas ignorer que ce fut une nouvelle importante pour nous. Nous tous, même si les autres ne te le disent pas. Tu as juste écrit là aussi quelques rapides indications d'heure et de jour, au dos d'une carte postale, achetée très certainement dans un bureau de tabac. Et représentant, que je me souvienne, une ville nouvelle de la grande périphérie vue d'avion, avec, on peut s'en rendre compte aisément, au premier plan, le parc des expositions internationales. Elle, ta mère, ma mère, elle dit que tu as fait et toujours fait, et depuis sa mort à lui, que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Elle répète ça. Et si nous devions, par hasard seulement, ne serait-ce qu'à peine, si nous devions insinuer, oser insinuer que peut-être, comment dire, tu ne fus pas toujours tellement, tellement présent, elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous, nous nous taisons. Est-ce qu'on sait? On ne te connaît pas. Ce que je suppose, ce que j'ai supposé, et Antoine pense comme moi, il me le confirma lorsqu'il pensa que sur ce point, comme sur d'autres, j'étais en âge de comprendre, c'est que jamais tu n'oublies les dates essentielles de nos vies, les anniversaires, quels qu'ils soient, que toujours tu restes proche d'elle d'une certaine manière, et que nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence. C'est étrange. Je voulais être heureuse et l'être avec toi. On se dit ça, on se prépare et je te fais des reproches. Et tu m'écoutes. Tu sembles m'écouter sans m'interrompre. J'habite toujours ici, avec elle. Antoine et Catherine, avec les enfants, je suis la marraine de Louis, ont une petite maison. Pavillon, j'allais rectifier. Mais je ne sais pas pourquoi tu dois aimer ce que je pense. Tu dois aimer ces légères nuances. Petite maison. Bon. Comme bien d'autres, à quelques kilomètres de nous, par là. Vers la piscine découverte Omnisport, tu prends le bus 9 et ensuite le 62 et ensuite tu dois marcher encore un peu. C'est bien. Ça me plaît pas, j'y vais jamais, mais c'est bien. Je sais pas pourquoi. Je parle et ça me donne presque envie de pleurer tout ça. Que Antoine habite près de la piscine. Non, c'est pas bien. C'est un quartier plutôt laid. Ils reconstruisent, mais ça ne peut pas s'arranger. Je n'aime pas du tout l'endroit où il habite. C'est loin, je n'aime pas. Ils viennent toujours ici et nous n'allons jamais là-bas. Ces cartes postales, tu pouvais mieux les choisir, je sais pas. J'aurais collé au mur. J'aurais pu les montrer à notre fille. Bon, ça va, c'est rien. J'habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir. Mais c'est guère possible. Je ne sais comment l'expliquer. Comment le dire. Alors je ne le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps. Il dit toujours des choses comme ça, tu verras. Tu t'es peut-être déjà rendu compte. Il dit que je ne suis pas mal. Et en effet, si on y réfléchit... Et en effet, j'y réfléchis. En effet, je ne suis pas mal. C'est pas ce que je dis. Je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Peut-être. Est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi. On doit se résigner. Bon, il y a des gens, et ils sont le plus grand nombre, il y a des gens qui passent toute leur existence où ils sont nés. Et où sont nés avant eux leurs parents. Ils ne sont pas malheureux. On doit se contenter. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça. On ne peut pas le dire. Et c'est peut-être mon sort, ce mot-là. Ma destinée. Cette vie. Je vis au second étage, c'est ma chambre. Je l'ai gardée. Et aussi la chambre d'Antoine, et encore la tienne, si je veux. Mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est comme un débarras. C'est pas méchanceté. On y met les vieilleries qui ne servent plus, mais qu'on n'ose pas jeter. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup mieux ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi. Beaucoup mieux que ce que je pourrais trouver avec l'argent que je gagne si je partais. C'est comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement, mais... Et ensuite, j'arrête. Mais c'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents, ce n'est pas pareil. Tu dois pouvoir comprendre ça. J'ai aussi des choses qui m'appartiennent. Des choses ménagères, tout ça. La télévision, les appareils pour entendre la musique. Et il y a plus chez moi, là-haut, je te montrerai, toujours Antoine. Il y a plus de confort qu'il y en a ici-bas. Non, pas ici-bas. Ne te moque pas de moi. Qu'il y en a ici. Toutes ces choses m'appartiennent. Je ne les ai pas toutes payées, ça n'est pas fini. Mais elles m'appartiennent. Et c'est à moi directement qu'on viendrait les reprendre si je ne les payais pas. Et quoi d'autre encore? Je parle trop. Mais c'est pas vrai. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, ça compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Nous avons une voiture. Ça n'est pas seulement la mienne. Mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire. Elle dit qu'elle a peur. Et je suis chauffeur. C'est bien pratique. Ça nous rend service. Et on n'est pas toujours obligé de demander aux autres. C'est tout. Ce que je veux dire, c'est que tout va bien. Et que tu aurais eu tort, en effet, de t'inquiéter. Le dimanche. Elle connaît ça par cœur. Laisse-la parler. Tu ne veux laisser parler personne. Elle allait parler. T'as le gêne. On travaillait. Leur père travaillait, je travaillais. Et le dimanche, je raconte, n'écoute pas. Le dimanche, parce qu'en semaine, les soirs sont courts. On devait se lever le lendemain, les soirs de la semaine. Ça n'était pas la même chose. Le dimanche, on allait se promener. Toujours et systématique. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Nulle part, je ne vais nulle part. Où veux-tu que j'aille? Je ne bouge pas, j'écoutais. Le dimanche. Reste avec nous, pourquoi non? C'est triste. Ce que je disais, tu ne le connais plus. Le même mauvais caractère, borné. Enfant déjà rien d'autre, et par plaisir souvent. Tu le vois là, comme il a toujours été. Le dimanche, ce que je raconte. Le dimanche, nous allions nous promener. Pas un dimanche où on ne sortait pas, comme un rite. Je disais cela, un rite, une habitude. On allait se promener, impossible d'y échapper. C'est l'histoire d'avant, lorsque j'étais trop petite, ou lorsque je n'existais pas encore. Bon, on prenait la voiture. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. On prenait la voiture. Nous n'étions pas extrêmement riches, non, mais nous avions une voiture. Et je ne crois pas avoir jamais connu leur père sans une voiture. Avant même que nous nous marions, avant qu'on ne soit mariés, je le voyais déjà, je le regardais, il avait une voiture, une des premières dans ce coin-ci. Vieille et laide et faisant du bruit, trop, mais bon, c'était une voiture. Il avait travaillé, et elle était à lui, c'était la sienne, il n'en était pas peu fier. On lui fait confiance. Bon, notre voiture ensuite, plus tard, mais... Ils ne doivent pas se souvenir, ils ne peuvent pas. Ils étaient trop petits.